sexe avec un truc à boire. Posé dans un couloir à ne plus pouvoir me mouvoir. Ou au chaud dans une caisse avec tout ce qu'il faut mettre. Autour d'une table de poker, mélanger spliff au bec. Mais je fréquente pas les bars, je préfère pécho un 3/4. Posté sur un banc peinard, dans un parcours au rempart. Tu pourras aussi me croiser dans les chemins qui mènent au rhum. En train de lutter car j'aurais perdu tous mes neurones. Souvent je rêvasse d'une valise pleine d'euros. Et je me réveille avec même pas un duro. La voix rock tel un chanteur de rock à l'original. Du houblon, du mal de gorge. C'est le bon remède contre le mal de gorge. La morale c'est que je fais rien sans col hal. Ne me chante pas la messe, laisse ça à la chorale. Dans ma clique pas de bling bling, mais des sacs plastiques cora qui font gling gling. Peu stressé, après c'est le CD, j'ai cédé au vice du RAP, je fais que gratter, je suis possédé. Une bonne instru, je lâche plus l'affaire, je la fume, j'en fais mon affaire. J'ajoute même un peu d'ambiance, car je sais qu'au final ça va le faire. Une dédie pour tous les frères, pour tous les sapes, sois content. Au final, j'ai même pas si mon message, tout le monde le comprend. Je m'exprime souvent à ma manière, un minimum de vocabulaire. J'ai le parler de la rue, et ça dérange même ma mère. Je me fixe des buts dans la vie, en 20 ans c'est ça que j'ai compris. Je veux un salaire qui tombe tous les mois, et créer ma propre famille. Parlons pas des faux amis qui la plupart te la mettent. Il faut les gentils devant toi, mais trop focus pour te l'admettre. Des traîtres, y'en a partout derrière ton dos. Beaucoup de connaissances en reconnaissance, beaucoup trop d'olos, bro. Et ça c'est partout, jeunesse prêt à vider les cartouches. Ce soit les blancs, les renois, les arbouches. La France nous rend ouf.